Chapitre 19. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, ils trouvèrent la table servie. Il y avait deux couverts sur une nappe blanche damassée. Au temps où Marthe venait régulièrement à la quétive, M. Eisenberg avait l'habitude de manger à la même table que ses domestiques, lui au bout, eux de chaque côté. Alors on ne se servait jamais de nappe, et le couvert était mis sur la table de sapin blanc, récuré chaque matin avec des cendres. En voyant ce changement des habitudes, Marthe regarda son grand-père avec surprise. « Eh bien, » dit celui-ci, s'adressant à la vieille servante, « qu'est-ce qu'il y a donc aujourd'hui, Jeannette ?» Et de la main, il désigna la table. « C'est pour Mademoiselle Marthe. »« Et qui est Mademoiselle Marthe ? Est-ce de Marthe que vous voulez parler ?»« Oui, n'est-ce pas ? C'est de celle que vous appeliez Marthe tout court, quand elle était petite. » »« Eh bien, pour avoir grandi, elle n'a pas cessé d'être Marthe, et elle n'est pas devenue une demoiselle pour vous, qui avait débarbouillé son nez plein de confiture. »« Vous lui disiez-tu, alors ? Et maintenant, vous l'appelez Mademoiselle. Est-ce que cela te convient, Marthe ? Mais pas du tout, grand-père. Moi, cela me blesse. » « Serez-vous bien aise que Marthe ait pour vous les sentiments qu'elle avait autrefois, bien sûr. »« Alors commencez par vous montrer tel que vous étiez autrefois. »« Maintenant que cela est dit, autre chose. Enlevez-moi cette nappe et mettez les assiettes et les couverts des gens sur ma table. »« Personne ne doit souffrir de l'arrivée de l'enfant. Tout le monde doit s'en réjouir. »« Pour cela, il ne faut rien changer à nos vieilles habitudes. » La rapidité avec laquelle Jeannette enleva la nappe montra que M. Eisenberg savait se faire obéir, et que chez lui, un ordre donné était un ordre exécuté. Il avait parlé doucement et plutôt sur le ton de la bonhomie et de la plaisanterie que sur le ton du commandement. Pendant que la vieille servante allait et venait autour de la table, il continua en s'adressant à Marthe. « Tu sais que tu ne trouveras pas ici le confortable et le bien-être au milieu desquels tu vis maintenant. À vrai dire, je pourrais améliorer notre ordinaire, mais je m'en garderai. On a fait du bien-être une sorte de religion à laquelle on sacrifie tout. Sans bien-être, il semble aujourd'hui que la vie est impossible ou insupportable. C'est à mon sens un grand mal, qui a sur les mœurs générales une influence pernicieuse. Ici, tu verras, maintenant que tu es grande et que tu raisonnes, qu'on peut vivre simplement et cette leçon pourra ne pas être inutile. Il faut nous attacher avant tout à être libres. Et c'est de la liberté qu'on gagne quand on apprend à ne point se faire l'esclave des choses. C'est bien assez d'être l'esclave des idées qu'on reçoit. » Le souper était digne de cette simplicité dont parlait M. Eisenberg. Il se composait d'une soupe aux légumes et d'une salade avec des œufs durs. Marthe mangea avec le magnifique appétit d'une jeune fille qui a jeûné depuis 3 jours, et bien que le pain fût cuit depuis plus d'une semaine, elle ne le trouva pas trop rassis. Elle dormit comme elle l'avait soupé, et retrouva sa chambre telle qu'elle l'avait laissée autrefois. Elle éprouva une véritable joie. Comme on ne l'attendait pas, cette chambre était encombrée de différentes choses. Au plafond pendaient des glanes de maïs, dont les encoignures étaient entassées des sacs d'avoine. Mais qu'importait ? Les draps en grosse toile avaient la blancheur de la neige, et il n'était pas nécessaire de fermer la porte au verrou. Ce furent les craquements de l'escalier en bois qui l'éveillèrent. Elle ouvrit les yeux, et elle vit que la chaude lumière du soleil levant emplissait déjà sa chambre. Elle se hâta de s'habiller et de descendre. Dans la cour, elle trouva son grand-père qui veillait au départ des ouvriers. Déjà, dit-il en l'apercevant. À la façon dont il prononça ce mot en souriant, elle sentit qu'elle lui avait fait plaisir. Il avait horreur, en effet, qu'on restât tard au lit. Bientôt, les préparatifs furent terminés, et les bœufs ayant été attachés aux joues, le char sortit de la cour, emportant les ouvriers. Alors M. Eisenberg, prenant Marthe par le bras, l'emmena sous un chêne vert qui abritait un banc de son ombrage noir et la fit asseoir près de lui. « J'ai beaucoup réfléchi à toi durant la nuit, dit-il, car la situation dans laquelle tu t'es mise et tu me mets est terriblement délicate. C'est ta réputation, ton honneur de jeune fille que tu as joué. M'était-il possible de faire autrement ? Je ne sais pas. Et à vrai dire, je trouve qu'il est inutile d'examiner aujourd'hui cette question puisque nous ne pouvons pas revenir en arrière et que tout ce qui est fait est irréparable. Cependant, il me semble que si tu m'avais écrit de venir te voir, si tu m'avais consulté, nous aurions peut-être trouvé un moyen pour ne pas te lancer dans cette aventure. Je n'avais pas le temps d'attendre. Enfin, ne discutons pas là-dessus, ce serait parole perdue. Nous avons mieux à faire. Tu restes ici, c'est entendu. Maintenant, nous devons voir dans quelles conditions. Qu'on puisse te retrouver après tous les détours que tu as faits, cela me paraît peu probable, car tu as eu la finesse et la ruse du renard. Tu as si bien embrouillé ta piste qu'il faudrait un fin limier pour la suivre. D'un autre côté, qu'on apprenne par l'indiscrétion des gens d'ici que tu es avec moi, cela ne présente guère plus de chance. Jamais un étranger ne vient à la Kétive, et jamais un habitant de notre hameau ne va à Bordeaux. Nous sommes dans un désert. » C'est là-dessus que j'ai compté. Et tu as compté juste. Il me paraît que les chances sont pour qu'on ne te découvre pas. Donc, nous voilà réunis pour un long temps, peut-être, et ta tranquillité est assurée. Mais celle de ton père? En ce moment, si j'en juge par son caractère emporté, il est furieux contre toi. Mais la colère, si violente qu'elle soit, ne persiste pas dans le cœur d'un père qui aime son enfant. Et ton père t'aime d'une tendresse très vive, très passionnée. Au moins il t'aimait ainsi autrefois, au temps où nous parlions de toi ensemble. Il en est maintenant comme il en était autrefois. J'en suis certain, et c'est pour cela que je m'inquiète de lui. Quand la colère va s'apaiser, crois-tu que son angoisse ne va pas être grande? Il va se demander où tu es, ce que tu fais. Sens-tu sa douleur? C'est presque comme si tu étais morte pour lui. Et si tu savais quelle horrible chose c'est pour un père d'avoir perdu son enfant? Je voudrais lui écrire. Sans doute, c'est ce que tu dois faire. Mais si tu ne veux pas qu'on te vienne chercher le lendemain du jour où tu auras écrit, il ne faut pas que ta lettre parte d'ici. On doit te croire à Paris. Il faut que tes lettres portent le timbre de Paris. C'est pour cela que je les enverrai à un ami que j'ai à Paris et qui les mettra à la poste. Et je te promets d'écrire de telle sorte que papa verra bien que c'est seulement M. de Saint-Austrebert que je fuis. Voilà un point réglé. Il reste un autre point. C'est contre M. de Saint-Austrebert que je veux te défendre. Mais je te l'ai déjà dit, je n'entends pas favoriser ton amour pour Philippe ni l'amour de Philippe pour toi. Je veux, quand ce sujet sera abordé entre ton père et moi, pouvoir dire hautement que tu n'as pas vu Philippe, que tu ne lui as pas écrit et qu'il ne t'a pas écrit lui-même. Pour moi, c'est une affaire de conscience dont tu dois sentir toute l'importance. Ce que je fais est déjà bien assez grave, sans encore le compliquer. Promets-moi de ne pas écrire à M. R.M. Promets-moi aussi de lui renvoyer sa lettre sans la lire s'il t'écrit et tu auras assuré ma tranquillité. Je te le promets. Maintenant, je vais être tout au bonheur de t'avoir avec moi. Il me semble, dit Marthe après un moment de réflexion, que tout n'est pas encore réglé. Que vois-tu qui manque? Mon père aura de mes nouvelles, mais moi je n'en aurai pas de lui. Cela est vrai. Mais je ne veux pas aller le voir à Bordeaux cependant. Tu comprends qu'il me serait impossible, en parlant de toi, de ne pas dire que tu es ici, assurément. Alors que veux-tu que nous fassions? Il me paraît dangereux de s'ouvrir à une personne de Bordeaux. Pour moi, je n'ai pas d'amis sûrs à qui je pourrais demander ce service. Je craindrais une indiscrétion. Cependant, il est de la plus grande importance que nous ayons des nouvelles de mon père. D'abord, je ne pourrais pas rester plusieurs semaines sans savoir comment il se porte. Comment a-t-il supporté ma fuite? S'il était malade et que je ne fusse pas près de lui, ce serait un crime. Sans doute, mais que veux-tu que je fasse à cela? Et puis, il y a encore un autre point à considérer. Si M. de Saint-Austrebert, éclairé par mon départ, renonce à sa demande et rompt avec mon père, je veux rentrer à la maison. Tout cela est très juste, mais je ne trouve pas par quels moyens nous pouvons être informés de ce qui se passe à Bordeaux ou à Châteaupignon. Je ne peux pas aller à Bordeaux sans voir ton père, et je ne peux pas voir ton père sans parler de toi. Il me semble qu'il y aurait un moyen cependant de savoir ce que nous désirons, et lequel. Tu n'en voudras peut-être pas, au moins je le crains. Dis toujours. D'avance, tu l'as repoussé, c'est là ce qui m'arrête. Comment d'avance? Ne m'as-tu pas demandé de ne pas écrire à Philippe? C'est lui, cependant, et lui seul, qui pourrait nous venir en aide. Personne n'a intérêt comme lui à savoir ce qui se passe chez mon père, et bien qu'il ne puisse pas s'y présenter maintenant, certainement il l'apprendrait. Avec lui, pas d'indiscrétion à craindre, aucun danger et un dévouement certain. Oui, mais il faut qu'il t'écrive. Pourquoi ne t'écrirait-il pas à toi? Ce n'est pas la même chose que s'il m'écrivait à moi. Tu me dis qu'il est à Paris. Je n'aurai qu'une lettre, une seule à lui écrire, pour lui dire de revenir à Bordeaux. De là, il pourrait nous tenir au courant de ce qui nous intéresse. M. Azimbert regarda Marthe dans les yeux, mais elle vit qu'elle ne l'avait pas fâché. Sa physionomie, toujours franche et ouverte, avait une expression souriante tout à fait rassurante. « Ah, petite fille, » dit-il en lui tirant l'oreille, « petite fille, tu as plus de malice dans ta naïveté que moi dans mon expérience. M'as-tu bien amené à ce que tu voulais, et je ne me suis douté de rien. Tu as joué de moi comme d'un vieux pantin. Ah, grand-père, allons, il sera fait comme tu demandes, car tu as si bien manœuvré que je ne vois pas comment t'échapper. Je vais donc recevoir des lettres de M. R.M. Au surplus, je n'en suis pas fâché. Cela va me permettre de le connaître. Il y a en lui quelque chose qui ne me plaît point. Peut-être ces lettres changeront-elles mon impression? Ce n'est pas peut-être qu'il faut dire. Tu verras, tu verras. Oui, un dieu, n'est-ce pas? Ah, jeunesse, jeunesse, que tu es heureuse.